Les vice-présidents du comité central du Parti du Travail de Corée comme Choi Ryong-hae, des permanents du comité central du Parti et du comité central de l'Union des femmes ont visité le 13 courant la résidence des participantes à la 6e conférence de l'Union démocratique des femmes de Corée.